Nouveau jour, nouvelle heure, nouveau rendez-vous, c'est le moment de retrouver le magazine d'archéologie de France Culture, Carbone 14. C'est un grand événement, un des grands événements archéologiques de l'année 2020. Un de ceux qui font l'actualité et offrent l'occasion de s'immerger dans une histoire méconnue, ou tout du moins mal connue, mais assurément mal aimée. Loin de Paris, cette enquête, nous la devons au musée Saint-Raymond, grand musée d'archéologie de Toulouse, qui prend prétexte d'un anniversaire vieux de 1600 ans pour nous faire aimer un peuple qui a pleinement contribué à notre histoire, les Visigoths. Disons-le tout de suite, les Visigoths incarnent à eux seuls les grandes invasions de l'Antiquité tardive. Peuple barbare dont on ne sait rien des origines des mythes, mais dont on dit qu'il fut un des plus prestigieux d'Europe. À la croisée de l'histoire et de l'archéologie, notamment des dernières découvertes, l'invité du magazine d'archéologie de France Culture a mené l'enquête avec une historienne, Emmanuel Boub, maître de conférence à l'Université de Toulouse, et un archéologue, Jean-Luc Boudartchouk de l'INRAP. Laure Barthet, bonjour. Conservateur du patrimoine, vous êtes aujourd'hui la directrice du musée Saint-Raymond et bien entendu la commissaire de l'exposition Visigoths, roi de Toulouse. Laure Barthet, le regard de l'ignorant est toujours sévère. Méconnu, le Visigoth ne peut être qu'un mal-aimé. Oui, nous n'avons pas choisi le sujet le plus évident. Ce sont des barbares, donc ils ont été finalement soumis à une double peine que l'on peut facilement comprendre. Ce ne sont pas des Romains, donc leur archéologie, leur histoire s'est développée avec retard, parce que péjorée finalement par les historiens et les archéologues qui leur préféraient les aventures de l'Empire. Et ce ne sont pas les Francs, donc ce ne sont pas les héros du récit national qui s'est construit à partir du 19e siècle. Et on en a peu fouillé pour finir. On peut quand même citer Casimir Barrière-Flavy, dont on parle dans l'exposition, qui a été pionnier de l'archéologie visigothique, donc à rebours de l'archéologie mérovingienne de Mérové, ancêtre mythique de Clovis. Eh bien, Casimir Barrière-Flavy a été un des premiers au XIXe siècle à consacrer deux publications à l'industrie des Visigoths dans le sud de la Gaule. Nous avons les Mérovingiens, les Francs, qui constituent pour partie notre identité et dans lesquels l'aristocratie revendique encore ses origines. Les Visigoths n'ont donc pas leur place, même à Toulouse. Les Toulousains ont tout de même une curiosité et une forme de souvenir pour leurs ancêtres Visigoths. Moi, dans ma famille, par exemple, ma grand-mère et mon grand-père m'ont toujours parlé des Visigoths. Ils ne m'en parlaient pas forcément avec justesse, mais ils m'en parlaient. Il y avait pas vraiment de choses à se mettre sous la dent. Il y a encore une quinzaine à une vingtaine d'années, les données s'accumulent maintenant et c'est aujourd'hui qu'on commence à pouvoir poser un discours un petit peu dépassionné et scientifique sur le sujet. Mais je dirais que Toulouse n'a jamais vraiment perdu le souvenir de ces Visigoths. Mais c'est que maintenant que l'on peut les observer et les étudier avec des données actuelles. Pourquoi ce retour ? Je dirais que c'est essentiellement grâce à l'archéologie, et notamment à l'archéologie préventive, que depuis ces 10 dernières années, on a une accumulation de sites et de données qui permettent de rouvrir ce dossier. Je vais vous donner un exemple. Il y a une grande exposition qui avait été organisée à Milan en 1994, qui s'appelait « I Goti ». On parlait d'ego en général. Et quand vous prenez le catalogue, que vous ouvrez les pages consacrées aux Visigoths en Aquitaine, on peut lire que sans les textes, on n'aurait aucune trace des Visigoths, et que donc le spécialiste va avoir bien du mal à en parler dans le cadre de ce catalogue. C'est un peu comme de Neandertal, aujourd'hui c'est une sorte de grande vague médiévale, on s'intéresse à l'Aneustrie, à l'Eustrasie, aux Visigoths, ça revient vraiment en force, ce n'est pas lié strictement aux Visigoths. Non, je ferai même le parallèle avec l'archéologie proto-historique du deuxième âge du fer, ce que l'on sait des Gaulois aujourd'hui, on suit le même mouvement, c'est-à-dire que vraiment le développement de l'archéologie, et notamment de l'archéologie préventive, a permis de poser un nouveau regard et a suscité de nouvelles vocations. Et en effet, je pense que le public aujourd'hui peut redécouvrir complètement ses cultures matérielles et ses peuples. Tout au contraire, et à ma très grande surprise, la place des Visigoths est très importante en Espagne. Exactement, et pour les mêmes raisons que les Francs sont quand même plus présents chez nous qu'ailleurs, la monarchie espagnole a assez rapidement, finalement, dès la première modernité, cherché à prendre racine sur cette origine visigothique. On parle dans l'exposition de tableaux qui ont été commandés à des peintres assez connus, qui étaient exposés au Palais Royal de Buen Retiro à Madrid, où on a des portraits imaginaires de rois visigoths, la monarchie espagnole qui a voulu se réinventer ses ancêtres mythiques. Et puis il y a ces fameuses sculptures près du palais... Oui, de Madrid. Tout à fait. En fait, on a même des rois visigoths que on n'a pas connus à Toulouse, puisque ce sont des rois visigoths de la deuxième aventure espagnole, finalement, comme Léo Vigild, qui est considéré en Espagne comme le premier unificateur national. Donc il y a vraiment toute une mythologie qui s'est reconstituée autour de ces rois visigoths d'Espagne. Laure Barthet, remontons le temps, relisons nos classiques. Nos classiques, c'est bien sûr Jordanes. Les Goths émergent au 1er siècle de notre ère, dans l'actuelle Pologne, mais ils viendraient encore de bien plus loin. Oui, alors Jordanes, lui-même Goth, qui écrit alors plus tardivement, au 6e siècle, et qui reprend d'ailleurs les écrits de Cassiodore, Jordanes nous dit qu'un roi, le roi Berig, serait parti de l'île de Skanza, donc de Scandinavie, à bord de quelques navires, pour aller s'établir en Gotiskanza. Et on dit même peut-être, hein, sans pouvoir le vérifier, que Gdansk, Gotiskanza, il y aurait quelque chose à chercher. Alors, on ne sait pas évidemment si c'est vrai, si le mythe peut être vrai, mais l'archéologie quand même semble donner quelques indices, puisqu'on a trouvé dans l'embouchure de la Vistule, hein, donc dans la région de Gdansk, des sites d'une culture qu'on appelle la culture de Vilbark, et ces sites mêlent à la fois des traits autochtones, hérités des cultures précédentes, à des traits proprement scandinaves, notamment des tombes en forme de tertre de pierre, dont on a les mêmes exemplaires en Suède, en Norvège et sur les îles de Gotland. Vous présentez des objets du musée de Gdansk ? Absolument, on tenait absolument à faire venir à nous, pour cette exposition, des objets qui ne sont jamais venus en France, donc de la région de Gdansk, de Bialystok et de Varsovie. On a également des objets ukrainiens, roumains. Au tournant du 3e siècle, on les retrouve vers la mer Noire ? Jordanes, toujours le même, nous dit que le roi Philimer, le 5e roi après le roi Berig, a entraîné donc son peuple sur les bords de la mer Noire, vers la City des auteurs antiques, ce territoire un peu micmac qu'on peine à définir, mais qui pourrait correspondre à, notamment aux grandes plaines d'Ukraine. Et là encore, l'archéologie permet de soutenir la légende et on arrive à suivre sur à peu près une génération des porteurs de cette culture de Vilbark qui vont s'étendre, descendre la Vistule, vers Varsovie, repiquer vers la vallée du Bou méridional et descendre en fait dans les plaines d'Ukraine et puis un petit peu plus tard de Roumanie et de Moldavie. Ils forment coalition ? C'est à ce moment-là que nos Goths vont se diviser en deux branches, les Ostrogoths et les Visigoths. Et en effet, on a trace, notamment dans les sources romaines, d'une très importante coalition de barbares. Il n'y a pas que des Goths, là, hein. Il y a des Taïfales, il y a des Gépides, il y a des Alano-Sarmates. Et ils vont lancer, à partir donc des années 238-240, des attaques répétées contre les provinces orientales de l'Empire romain. La culture, on l'appelle la culture de Tcherniakov, elle se caractérise par quoi ? Alors cette culture de Tcherniakov, du nom d'un site ukrainien, elle est très intéressante parce que c'est la fusion de traits hérités de la culture de Vilbark, notamment des nécropoles qu'on dit birituelles, incinération, inhumation, avec également de la céramique dont la couleur, certaines formes sont typiquement héritées de la culture de Vilbark, et en même temps, on mêle des objets romains, méditerranéens, et des objets qui proviennent des cultures germaniques et non-germaniques autour des Goths. Donc on a une fusion de traits germains et alliés et romains, et ce n'est pas propre aux Goths. Hein. Les Goths partagent cette culture de Tcherniakov avec les peuples avec lesquels ils forment cette coalition. En 238, donc, on aurait déjà des attaques de Rome ? Oui, en fait, ce sont les auteurs romains qui nous permettent d'affiner un petit peu ces dates, mais les contacts datent déjà de la culture de Vilbark. Dès le 1er siècle, dans les tombes, hein, on trouve déjà des objets romains, puisque les Goths ont toujours servi un peu de plaque tournante entre la Baltique et le monde méditerranéen. Mais en effet, ces contacts s'intensifient au 3e siècle, tout simplement parce que les Goths, maintenant, sont aux portes de l'Empire. Mais ce n'est pas toujours guerrier, attention. C'est aussi beaucoup commercial, politique. Et on sait que les contacts, parfois, peuvent être totalement pacifiés. Ce commerce, il est basé sur quoi ? On peut imaginer des grands objets de prestige, par exemple, pour les chefs barbares ? Il y a un petit peu de tout. Il y a en effet des objets de prestige très, très importants. On reparlera peut-être du trésor de Pietro Assa, le trésor roumain qui est exposé dans l'exposition. Mais ça va être aussi de l'ambre qui continue de transiter par les territoires Goths pour arriver sur le marché, on va dire, romain. Le verre, là on a les Goths par exemple qui vont faire transiter par eux des gobelets en verre romain que l'on va retrouver jusqu'en Scandinavie. En matière première, on sait que le fer de ces régions-là également arrive dans l'Empire. Des peaux, on a également le commerce d'esclaves, même si on est dans l'Antiquité tardive, hein, c'est encore important. Donc, alors une des pièces majeures, c'est bien sûr une sorte de gobelet en argent, or, grenat, tourmaline, c'est bien ça ? On était très heureux, en effet, d'avoir pu faire venir à nous, à Toulouse, trois objets du trésor de Pietro Assa, conservés au Musée National de Roumanie, qui ne sortent pratiquement jamais. Il y a 12 pièces conservées, on en a pris 3. Il y a en effet une pièce de vaisselle de luxe, une grande fibule en forme d'aigle, donc une grande épingle gigantesque, et un torque, donc un collier en or. Et on en reparlera peut-être, puisqu'il est inscrit en caractère runique et que le nom des Goths apparaît dessus. Dans quelles conditions ce trésor avait-il été découvert ? C'est une découverte ancienne ? Il a été découvert en 1837, si ma mémoire ne me fait pas défaut, par des ouvriers, en fait, en Transylvanie. Il a une aventure rocambolesque, ce trésor. En fait, il a été en partie dépecé, certains objets brisés, retrouvés. Il a même été jeté d'une fenêtre pour échapper à un incendie à un moment de son histoire. Donc les objets que l'on a sous les yeux ont quand même subi beaucoup de modifications et de restaurations. Mais c'est une découverte ancienne et qui est maintenant, par la recherche actuelle, bien associée aux Goths et à notamment un habitat élitaire de la culture de Tcherniakov. Vous me parliez d'une fibule, c'était une sorte d'agrafe. Celle-ci, visiblement, se portait assez haut, une sorte d'aigle. L'aigle, ça a l'air quelque chose de très récurrent dans toutes ces sociétés. C'est un des sujets, d'ailleurs, de prédilection d'Emmanuel Voub, qui est une de mes collègues sur ce projet. En effet, hein, la figure de l'aigle, de l'oiseau de proie, elle est commune à bien des populations germaniques, mais également à l'Empire romain, hein, bien sûr. Alors, chez les Goths et les Visigoths, ça peut être des aigles, ça peut être des vautours, il y a encore des débats sur la question. Et on les retrouve sur des objets de parure, en effet, des fibules, parfois des plaques-boucles, donc des boucles de ceinture, et peut-être sur des éléments qu'on a perdus du vêtement, peut-être des broderies, des choses comme ça. Toute cette période, c'est bien sûr les grenats. Les grenats, c'est l'or et le grenat, c'est ce qu'on appelle le cloisonné. C'est ce qu'on appelle le cloisonné, absolument. Donc, il y a beaucoup de débats sur l'origine même de cette mode orientale. On sait que pour les Visigoths et les Ostrogoths, elle a été sans doute transmise, ou en tout cas fortement influencée par les Huns, qui est un peuple qui aimait cette bichromie et cet alliage absolument merveilleux, en effet, entre cette pierre rouge et or, qui nous parle beaucoup en Occitanie, d'ailleurs. Disons-le tout de suite, les Visigoths sont un peuple d'exilés, chassés de leurs terres et qui trouvent refuge au sein de l'Empire romain. Ce qui est intéressant, c'est que finalement, pour beaucoup de chercheurs, la période la plus importante de leur histoire, c'est quand ils sont sur les bords de la mer Noire. Ils vont y passer un siècle et demi, à peu près. Ils seraient probablement restés si les Huns n'avaient pas fait irruption sur la scène européenne. Et avec un effet de domino, en fait, ils ont poussé toutes les peuplades entre le Don et le Rhin. C'est pour ça que les Francs, les Vandales et les Suèves se sont retrouvés à franchir le Rhin, en tout cas pour les Suèves et les Vandales, dans cette fameuse nuit de 406-407. Et que les Visigoths, eux, pareil, par effet de domino, n'ont eu d'autre choix que d'aller vers le sud et de demander à l'empereur romain Valens de franchir le Danube. Ils font une sorte d'allégeance, ça se passe visiblement pas très bien. Ça se passe pas très bien, non. En fait, Valens accepte de les faire entrer dans l'Empire, moyennant soldats évidemment pour sa propre armée. Et on sait qu'ils sont installés donc en Mésie, on sait que ça se passe pas très bien. Et la rébellion les pousse jusqu'à la fameuse bataille d'Andrinople, où l'empereur romain Valens, en 378, meurt sur le champ de bataille. Et à partir de là, le rapport de force entre Romains et Visigoths, et même entre Romains et Barbares, va définitivement changer. Les Visigoths pillent Rome en 410, à bien après Bérénus, mais ça a dû être un choc terrible. Ça l'a été sur le moment. Hein. Les contemporains ont été durement frappés par cette chute de l'ancienne capitale impériale. Même si Rome a été pillée et prise plusieurs fois, d'ailleurs après les Visigoths. Mais en effet, le sac de Rome a durement hanté les manuels scolaires et a aussi concouru à forger cette légende noire des Visigoths. France Culture, Carbone 14, Vincent Charpentier. Laure Barthet, la sœur de l'empereur, Galla Placidia, sera même kidnappée par les Visigoths et forcée d'épouser un chef Visigoth, Ateulf, c'est bien ça ? En fait, les Visigoths ne repartent pas de Rome qu'avec des richesses. En effet, ils ont avec eux la sœur de l'empereur romain d'Occident Honorius, Galla Placidia, et Ataulf, ou Atolf, qui a donné Adolphe, va l'épouser en deux noces, une noce à la romaine, une noce à la barbare. Et ils vont même avoir des enfants qui vont mourir en bas âge. Et puis Galla Placidia sera rendue ensuite aux Romains, après l'accord passé pour l'installation des Visigoths en Aquitaine, et épousera le patrice Constance. Donc c'est une figure quand même assez intéressante, Galla Placidia. J'encourage nos auditeurs à en apprendre un petit peu plus, puisqu'on parle beaucoup des hommes dans cette histoire de Visigoth, mais il y a aussi des femmes qui ont laissé leur empreinte, et c'est un destin tout à fait extraordinaire que celui de Galla Placidia. Elle a vraiment un rôle ? En tout cas, on peut le supposer, et elle a quand même vécu, c'est une princesse impériale qui a vécu dans l'entourage du grand chef Go et qui a connu donc ses premières campagnes espagnoles, quand les Goths entrent en fait en Gaule et notamment en Narbonne. Ils vont rester un petit peu en Aquitaine, puis être très vite envoyés en Espagne pour combattre les Vandales. Et c'est à ce moment-là, quand Atolf meurt, que Galla va rejoindre la cour impériale romaine. Donc elle a quand même vécu des moments en premier témoin assez intéressants, hein, à la fois dans sa perspective romaine et puis de mères de princes barbares qui n'ont pas survécu. Mais... Qu'est-ce que l'on a comme texte antique sur ce sujet, et plus généralement d'ailleurs sur les Visigoths ? La problématique pour les Visigoths, c'est que les témoignages que l'on a sont essentiellement ceux d'auteurs romains. Donc biaisé. On reparlera peut-être de Sylvain Apollinaire, grand érudit de son temps, grand témoin de la cour de Théodoric II à Toulouse, qui nous a laissé un témoignage très très intéressant. Et on sent bien dans son discours une forme à la fois de fascination et puis en même temps une forme de mépris très romain de ce qui n'est pas précisément romain. On a les écrits de Jordanès, lui-même Go, mais encore une fois, il écrit quand même très tardivement dans l'histoire de son peuple. Heureusement que l'archéologie est là pour apporter des données nouvelles. Atolf, Alaric, Chilpéric, voilà des noms qui nous sonnent bizarrement. Votre exposition possède trois niveaux de lecture, dont un pour les enfants, un autre bien sûr qui est un peu plus décalé. Visiblement, les enfants peuvent visigoter leurs prénoms. On a fait un petit dispositif en effet, mais ce sont souvent les adultes d'ailleurs qui l'utilisent le plus, mais ça on le sait dans les musées, que quand on fait un dispositif jeune public, en fait, on sait très bien qu'il sera utilisé par tous. Oui, on peut créer son petit prénom Visigoth, et l'idée c'est de faire comprendre que cette langue germanique orientale, d'une part on la connaît à peu près, et d'autre part c'est un espèce de mélange, si je devais faire une caricature affreuse, entre du vieux norrois, du vieil allemand et du vieil anglais. Donc il y a des mots qu'on retrouve, wolf par exemple, wolf, voilà, c'est des mots qu'on arrive à comprendre. Rik, Reix, c'est le roi, Alaric, Amalaric. Voilà. Oui, Reix, Rad. Reix, voilà, exactement. Les Visigoths ont une religion polythéiste ? Ce sont des Germains, donc dans les premiers siècles de leur histoire, premier, deuxième, ils ont une religion en effet que l'on peut qualifier de polythéiste, qu'on connaît assez mal, mais ils semblent partager un certain nombre de croyances avec les Germains septentrionaux, donc les Scandinaves. Ils sont christianisés au IVe siècle. Ils sont christianisés par une variante du christianisme orthodoxe, du christianisme trinitaire, qu'on appelle l'arianisme. Nous ne possédons pas de runes sur ces religions polythéistes ? En fait, les Goths peuvent utiliser un alphabet runique. Sur le torque du trésor de Pietroassa, par exemple, on a une inscription en caractère runique. Et Ulfila, qui a traduit la Bible en langue gothique, a lui créé un alphabet qui est un mélange de grec, de latin et d'alphabet runique. Mais les traces quand même propres à leur rite avant leur christianisation, il y a des théories, il y a des choses qui sont dites, mais ça reste quand même assez complexe à approcher. Les Visigoths vont adhérer donc à un courant hérétique du christianisme, l'arianisme. C'est un courant hérétique. C'est une doctrine chrétienne qui a été considérée comme hérétique dans le courant du IVe siècle, mais il faut se rappeler qu'au IVe siècle, le christianisme, c'est encore très plastique. La doctrine est loin d'être totalement fixée, il y a beaucoup de débats théologiques. Et en l'occurrence, l'arianisme, c'est la question sempiternelle de la nature même du Christ. Est-il égal au Père ou non ? Pour le prêtre d'Alexandrie Arius au IVe siècle, en fait, il faudrait adopter un monothéisme strict, c'est-à-dire qu'en fait, Dieu le Père est le seul être incréé, éternel, et le Fils a été créé, donc il est de divinité moindre, quelque part, et il lui est donc subordonné. Pour les trinitaires, ça ce n'est pas possible. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont de substance égale, ils sont consubstantiels. Bon, c'est des termes un petit peu complexes, mais finalement les choses ne le sont pas tant que ça. Et donc les Goths vont adopter une forme modérée de l'arianisme, le credo d'athée, qui consiste à dire que oui, le Christ est semblable au Père, mais quand même il est un peu moins divin que le Père. Voilà. Et contrairement à ce qu'on a longtemps écrit, cet arianisme n'a pas posé tant de problèmes que ça, à l'acculturation entre Visigoths et peuple romain de Gaule. C'était essentiellement politique, on y reviendra peut-être, les tensions qu'il y a eu entre le clergé nicéen du concile de Nicée, donc le clergé trinitaire, et le clergé arien, et les rois visigothariens. En tout cas, l'arianisme va disparaître petit à petit. L'arianisme va être considéré comme une hérésie. Un peu comme le mitraïsme, même si... Qui n'est pas chrétien. Voilà, qui n'est pas chrétien. Donc c'est plus que comme le christianisme est devenu religion d'État, le mitraïsme, par définition, n'a pas forcément trouvé sa place. Alors que là, quand on parle d'arianisme, c'est vraiment une querelle de théologie, vraiment, de fixer le dogme chrétien une bonne fois pour toutes. Et on verra que même dans l'Europe médiévale, il y a des résurgences et des divergences. Hein, ce qu'on appelle improprement le catharisme, par exemple, dans notre même région, ce n'est qu'une divergence, là encore, sur l'interprétation des textes. Laure Barthel, il y a 1600 ans, un grand événement s'opère, que vous saluez, bien sûr, dans votre exposition de Toulouse, l'implantation des Visigoths dans le sud-ouest de la Gaule. Alors, en 418 ou 419, on n'est pas trop sûr de la date, puisqu'il y a deux interprétations qui se font concurrence, mais en effet, les Goths qui étaient en Espagne sont rappelés par l'empereur Honorius et son patrice Constance, et obtiennent ce qu'ils ont toujours cherché depuis la fuite devant les Huns, enfin un territoire où s'installer, c'est-à-dire un territoire, la terre, c'est ça qu'ils recherchent, pour percevoir des subsides, et puis également un titre militaire officiel pour leur chef. Et ils vont rester à Toulouse jusqu'en 507, date de la bataille de Vouillé, près de Poitiers, perdue contre Clovis, le franc Clovis. Ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est visiblement pas sur une rupture. Ce que les recherches, tant historiques qu'archéologiques d'ailleurs, montrent, c'est qu'en effet, les choses se sont probablement bien passé, pour autant qu'on puisse en juger. Il y a plusieurs raisons à cela. Ils sont rappelés et installés à Toulouse dans un cadre légal, réglementaire, et notamment pour protéger les populations, peut-être de Bagode, donc des bandes armées de paysans révoltés, pour dire ça trop simplement sans doute, mais aussi parce que ça fait quand même une bonne quinzaine d'années qu'on a des mouvements de population un peu anarchiques et que les populations sans doute se sentent un petit peu dans l'insécurité. Ils vont être des sortes de vassaux de Rome. Ils vont ferrailler contre les Vandales pour Rome. Alors cette notion même de statut de cet accord est très discutée. Et à titre personnel, c'est ce qui m'a le plus intéressé dans notre projet. Évidemment, les spécialistes ne sont pas d'accord entre eux, mais c'est très intéressant. Royaume ou pas royaume, par exemple. Bon, ce qui est certain, c'est que quand ils sont installés à Toulouse, cela se fait dans le cadre d'un accord avec Rome. Il n'y a pas de doute. Mais cet accord, on peut l'entendre de deux façons. En effet, soit ils sont très subordonnés à Rome, soit c'est plutôt un accord entre deux puissances alliées, un accord à l'amiable. Ce que l'on sait, c'est que quand même, assez rapidement, les rois visigoths de Toulouse vont chercher à étendre leur territoire. Donc oui, évidemment, on respecte Rome, mais on joue un peu des coudes. Et ce qu'on peut citer tout de même, c'est qu'en 451, bataille des champs cataloniques, on repousse Attila quand même en Gaule, sinon il aurait bu quelques cervoises sur les bords de la Garonne, si on ne l'avait pas arrêté, et bien c'est le Romain Aesius qui fait venir à lui des barbares alliés, et notamment le roi visigoth Théodoric, qui mourra aux champs cataloniques avec ses deux fils. Donc là, c'est quand même la plus pure expression d'une alliance militaire qui est respectée entre le représentant de l'Empire et le roi visigoth. Mais sous le roi Euric, avant-dernier roi, là, il n'y a plus d'Empire romain d'Occident. Donc là, on peut vraiment parler de royaume. Là, il est tout seul, il est indépendant. Alliance, certes, mais est-ce qu'il y a hybridation entre monde visigothique et romain? Alors ça, c'est une question également très très intéressante. Ce que je peux en dire, en quelques mots, on sait par exemple que les élites romaines vont apprendre la langue gothique pour coopérer avec le nouveau pouvoir, que les Visigoths parlent parfaitement le latin, notamment les rois. On sait que les rois goths ont fait rédiger des lois écrites en latin par des juristes romains qui fixent le droit romain dans le royaume de Toulouse, avec parfois des petites applications pour permettre la cohabitation des deux peuples. Par contre, on sait que les mariages mixtes au départ sont interdits. On ne se marie pas, a priori, entre romains et goths, ce qui sera levé beaucoup plus tard en Espagne. Donc une acculturation, une hybridation à la fois culturelle, à la fois militaire et civile, puisque le royaume visigoth emploie des Romains dans son administration et dans son armée. Laure Barthel, les archéologues ont retrouvé un ensemble monumental dans Toulouse, qui pour certains serait même un palais. Contrairement à ce que l'on a pu prétendre, il y a des traces du passage des Visigoths à Toulouse, et même une trace monumentale en effet. Il semblerait qu'ils aient aménagé au nord-ouest de la ville, au sud de la place Saint-Pierre, pour ceux qui connaissent, un énorme complexe que nous on appelle le complexe palatial, entre nous, archéologues, dont on connaît une aile qui fait à peu près 90 mètres de long, sur 30 mètres de large, une entrée monumentale qui devait, elle, donner naissance à d'autres bâtiments. Et là, on a tout qui colle. On a la chronologie, il s'est bien daté au 5e siècle, sa position dominante, son plan très particulier, et le fait que Sidoine Apollinaire nous parle d'un palais royal, enfin d'une demeure royale, avec des composantes, des écuries, une chapelle palatine, une aula, etc., etc. Donc là, quand même, on a un faisceau d'indices qui semblerait montrer que oui, on a le palais des Roigaud. Visiblement, aujourd'hui, rien ne subsiste de ce palais. Un des drames de l'archéologie de sauvetage, les rois Visigoths ont aussi payé un lourd tribut à l'aménagement du territoire des années 80. Ce site, qui était déjà d'ailleurs fortement arasé au moment de sa découverte, a en effet fait place à des bâtiments résidentiels. Donc on a pu en sauvegarder la connaissance archéologique, grâce aux fouilles de Raphaël de Philippot, et quelques éléments architecturaux qui sont dans l'expo et qui sont aujourd'hui conservés à l'inventaire du musée Saint-Raymond. C'est aussi trois églises, dont une au moins avec des mosaïques à fond d'or. On s'imagine bien sûr être à Ravenne, c'est à peu près la même époque d'ailleurs. La fameuse Dorade, Sainte-Marie la Dorade, la Dorée, ça vient de là, qui possédait en effet à l'époque des Visigoths, bien contemporaine des Visigoths, des mosaïques à fond d'or sur une iconographie sur la nativité et l'enfance du Christ. Donc des tesselles en fait de verre et feuilles d'or, ça devait être absolument incroyable. On en a gardé de tout petits fragments qui sont présentés dans l'exposition. Alors de fait, les Visigoths semblent presque invisibles, si ce n'est dans leur tombe, par chance. On commence en effet à les voir de plus en plus nombreux, vraiment, aujourd'hui, parce que les Germains orientaux, dont les Visigoths, les femmes en fait, on connaît les Visigoths grâce aux femmes, les Visigoths, partent dans leur tombe avec une parure typique, qui n'est pas une parure romaine. Et c'est parce que maintenant on a des sites qui se multiplient avec ce type de mobilier, ces plaques-boucles, ces fibules très particulières, qu'on arrive à émettre des hypothèses et à peut-être les identifier en masse maintenant dans les tombes. Et par chance, en 2018, une très très belle nécropole de 149 tombes est fouillée à Seyss, c'est ça ? À Seyss, en effet, donc à une vingtaine de kilomètres au sud de Toulouse. Fouille archéologique incroyable. L'ensemble du cimetière a pu être fouillé. On a toute la population qui est là, 149 donc sépultures. Peut-être essentiellement composé de Germains orientaux et sans doute des Visigoths. On a tout, le mobilier germanique oriental, la façon dont la tombe est construite qui est très particulière aussi. Et des crânes déformés. Et des fameux crânes déformés, absolument. Qui n'ont rien à voir avec les crânes déformés toulousains du 19e. Non, c'est une question qu'on nous pose beaucoup, mais il n'y a pas de filiation directe, c'est clair. Il y a trop de siècles qui se sont écoulés, et puis c'est pas tout à fait a priori la même technique. Mais oui, des crânes déformés, pratique relevée chez les Germains orientaux, les Huns aussi, qui consiste en fait à bander la tête des très très jeunes enfants, du nourrisson, quand le crâne est encore plastique, pour avoir un allongement du front, en fait, un front fuyant et un allongement du crâne. On ne sait pas si ce qui était visé, c'était vraiment la forme du crâne, ou la façon de longer le bébé, et qui avait pour conséquence une déformation crânienne, ou peut-être même le port d'une coiffe qui requérait un crâne allongé. Tout a une fin, même les Visigoths, nous le savons grâce à Isidore de Séville et son Historia Gothorium, c'est bien ça ? Oui, c'est pas la partie de l'histoire que je préfère. On le sait en effet parce que en 507, alors que les Goths se sont bien étendus en Espagne et ont un royaume qui va de la Loire, même peut-être même le nord de la Loire jusqu'à Gibraltar, les Francs, eux, ont la poussée inverse, c'est-à-dire ils descendent vers le sud. Et après plusieurs tentatives, Clovis va affronter Alaric II, avouillé. Alaric II va mourir et donc les Goths vont se replier en Septimanie, Languedoc-Roussillon actuel et en Espagne. L'histoire continue tout de même, mais cette fois-ci à Tolède. À Tolède, les Visigoths vont y établir une nouvelle capitale, dont ils ne seront délogés qu'au 8e siècle avec la conquête arabe. Laure Barthet, merci beaucoup. Donc à voir l'exposition Visigoth, roi de Toulouse, au musée Saint-Raymond. Carbone 14 était réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Stéphane Touvenin et Valentin Bobinet. Et bien sûr avec la collaboration de Sandrine Chaperon. Vous pouvez écouter ou podcaster Carbone 14 sur le site de franceculture.fr ou retrouver plus de 300 archives sur le site inrap.fr. La semaine prochaine, départ sur un chantier archéologique.